Chapitre 11e. Vers 2 heures du matin, le gamin qui les avait attendus à Creston avec le buggy arrêta son cheval endormi à la porte de la Maison Rouge et Charity mit pied à terre. Harney avait pris congé d'elle à Creston River, chargeant le gamin de la ramener à North Dormer. L'âme de Charity était encore enveloppée d'une brume de tristesse. Elle se souvenait à peine de ce qui s'était passé, de ce qu'il s'était dit. Harney et elle, pendant tout ce temps interminable, qui s'était écoulé depuis leur départ de Nettleton. L'instinct animal qui le faisait chercher la solitude quand elle souffrait était si puissant qu'elle éprouvait un sentiment de soulagement quand Harney l'eut quitté et qu'elle se trouva seule dans la voiture. Au-dessus de North Dormer, la pleine lune blanchissait la brume qui flottait dans les creux des collines et jetait son voile léger sur les champs. Charity s'arrêta un moment à la grille du jardin, regardant, à travers l'obscurité pâlissante, le buggy qui s'en allait au trot lent de son cheval fatigué. Puis elle passa derrière la maison et chercha sous le paillasson la clé qui ouvrait la porte de la cuisine. La cuisine était obscure, mais elle finit par trouver une boîte d'allumettes, alluma une bougie et monta l'escalier. La porte de Mr. Royal, en face de la sienne, était ouverte toute grande sur la pièce obscure. Évidemment, il n'était pas rentré. Charity gagna sa chambre, poussa le verrou, dénoua sa ceinture et enleva sa robe. Sous le lit, elle vit le vieux carton dans lequel elle avait caché son beau chapeau cerise. Longtemps, elle resta étendue sans dormir, fixant la clarté lunaire sur le plafond bas de sa chambre. L'aube blanchissait le ciel quand elle s'endormit, et lorsqu'elle s'éveilla, le soleil brûlait ses paupières. Elle s'habilla et descendit lentement à la cuisine. Verena s'y trouvait. Elle leva sur Charity ses yeux calmes de sourde. Mr. Royal n'était pas rentré, et les heures passèrent sans qu'il apparût. Charity était remontée chez elle. Elle restait assise, immobile, les mains sur ses genoux, plongée dans une sorte de stupeur. Des bouffées d'air lourd agitaient les rideaux de sa fenêtre, où des mouches bourdonnaient contre les petites vitres verdâtres. À 1 heure, Verena se hissa péniblement jusqu'à la chambre de la jeune fille pour voir si elle n'allait pas descendre pour le déjeuner. Mais Charity fit signe que non, et la vieille femme s'en alla en disant « Alors je vais garder les plats au chaud. » Le soleil avait tourné, quittant la chambre de Charity. Elle se mit à la fenêtre, regardant la rue du village par les volets entrebâillés. Aucune pensée dans son esprit, rien qu'un noir tourbillon d'images confuses. D'un œil distrait, elle regardait les gens qui passaient, l'attelage de Dan Targat traînant une charge de troncs de sapin à Hepburn, la vieille jument blanche du sacristain broutant l'herbe du talus le long de la route. Il lui semblait être morte et contemplait cette scène familière d'au-delà de la tombe. Elle fut tirée de son apathie en voyant Aliho sortir de chez les Fry et s'acheminer lentement de son pas boiteux vers la Maison Rouge. L'apparition de la jeune fille rappela Charity au contact brutal de la réalité. Elle devina que Ali venait lui demander des nouvelles de son excursion. Personne d'autre ne savait qu'elle fût allée à Nettleton, et Ali avait été profondément flatté d'avoir été mise au courant du projet. À la pensée de voir son amie, de subir ses regards, de répondre à ses questions ou de les éluder, toute l'horreur de son aventure de la veille s'empara de nouveau de Charity. Ce qui avait été un cauchemar fiévreux devint une réalité implacable à laquelle il n'y avait pas à se soustraire. La pauvre Ali, à ce moment, personnifiait la mentalité collective de North Dormer avec ses curiosités mesquines, sa malveillance latente, sa feinte méconnaissance du mal. Charity savait que bien que toute relation avec Julia fût soi-disant rompue, la tendre Ali restait secrètement en rapport avec elle. Julia, sans doute, saisira avec empressement l'occasion de raconter le scandale. Il était même probable que l'histoire, enflée et dénaturée, prenait déjà le chemin de North Dormer. Le pas traînant d'Ali ne l'avait pas encore menée bien loin de la porte des Fry, quand elle fut arrêtée par la vieille messie Solas, bien connue pour sa loquacité, et qui parlait très lentement parce qu'il n'avait pas encore pu s'habituer au nouveau râtelier qu'elle s'était fait poser à Hepburn. Pourtant, ce répit même ne durerait pas longtemps. Dans 10 minutes au plus, Ali serait à la porte. Charity l'entendrait dire bonjour à Verena et monter l'escalier en boitant. Tout à coup, Charity comprit que la fuite et la fuite immédiate étaient pour elle le seul parti possible. S'échapper, s'en aller loin des visages familiers, des lieux où elle était connue. C'est ce qu'elle avait toujours souhaité faire dans ces moments de détresse. Toujours, elle avait eu une foi enfantine dans le pouvoir miraculeux de milieux nouveaux et de visages inconnus, pour transformer sa vie et pour en effacer les souvenirs amers. Mais de telles impulsions n'avaient été que d'éphémères velléités, comparées à la froide résolution qui l'animait maintenant. Elle sentit qu'elle ne pouvait rester une heure de plus sous le toit de l'homme qu'il avait publiquement insulté, ni se trouver face à face avec des gens qui, tout à l'heure, allaient se repaître de tous les détails de son humiliation. Sa compassion passagère pour Mr. Royal avait sombré dans le dégoût. Tout en elle avait été révolté par le lamentable spectacle du vieillard ivre l'apostrophant en présence d'une bande de garnements et de filles. Soudain, elle revécut avec une intensité douloureuse l'horrible minute où il avait tenté de s'introduire de force dans sa chambre, et ce qu'elle avait alors supposé n'être qu'un moment d'aberration lui apparut maintenant comme un simple incident d'une vie de débauche. Tandis que ses pensées se pressaient en foule dans son cerveau, elle avait été chercher son vieux sac d'écolière, ayant tassé fiévreusement du linge, quelques vêtements et le petit paquet de lettres qu'elle avait reçues de Harney. Elle retira de dessous sa pelote la clé de la bibliothèque et la mit bien en vue. Puis elle sortit d'un tiroir la broche bleue que Harney lui avait donnée et l'agrafa à sa chemise, sous sa robe. Ses préparatifs n'avaient pris que quelques minutes et quand ils furent terminés, Ali Hawes était encore sous le seuil des Fry, en proie au verbiage de la vieille Mrs. Solas. Charity s'était dit, comme toujours dans ces moments de révolte, « Je m'en irai dans la montagne, je retournerai chez les miens. » Jusque-là, cependant, elle n'avait jamais eu le ferme propos d'y aller. Mais maintenant, aucun autre parti ne lui semblait acceptable. Elle n'avait jamais appris de métier de nature à lui donner l'indépendance dans un autre milieu. Elle ne connaissait personne dans les gros bourgs de la vallée, où elle aurait pu espérer trouver un emploi rémunérateur. Miss Hatchard était encore absente, mais se fût-elle trouvée à North Dormer, que c'eût été la dernière personne à qui Charity se fût adressée, puisque l'un des motifs qui la pressait de fuir était son intention de ne pas revoir Lucius Harney. Au retour de Nettleton, dans le train bondé de voyageurs et brillamment éclairé, tout échange de confidences entre les deux jeunes gens avait été impossible. Mais pendant la course en voiture de Hepburn à Creston River, elle avait retenu des quelques bribes de phrases qu'avait pu prononcer Harney, gêné par la présence du gamin, l'intention où il était de venir la voir le lendemain. Sur le moment, elle avait trouvé un vague réconfort à cette promesse. Mais de la morne lucidité des heures qui suivirent, elle en était arrivée à juger impossible une nouvelle rencontre. Son rêve de camaraderie avait disparu, et la scène sur le quai, cette scène ignoble et honteuse, avait jeté la lumière de la vérité sur son éphémère folie. C'était comme si les paroles de son tuteur l'avaient déshabillé devant la foule ricanante et proclamé au monde les secrets reproches de sa propre conscience. Toutes ces pensées ne s'enchaînaient pas logiquement dans son esprit. Elles suivaient aveuglément l'impulsion de sa détresse. Ne plus jamais voir aucun de ceux qu'elle avait connus. Surtout ne plus jamais revoir Harney. Voilà ce qui l'a poussé à partir. Prenant le sentier qui montait derrière la maison, elle s'enfonça dans le bois pour gagner un raccourci menant à la route de Creston. Un ciel bas et couleur de plomb semblait peser sur les champs, et dans la forêt, l'air immobile était étouffant. Mais elle marchait vite, impatiente d'atteindre la route forestière qui la conduirait dans la montagne. Il lui fallait pour cela suivre la grande route jusqu'à 1 kilomètre environ du village de Creston. Elle hâtait le pas, craignant de rencontrer Harney. Mais elle ne le vit pas, et allait atteindre la route forestière, quand elle remarqua une grande tente blanche qui se profilait à travers les arbres du bord du chemin. Charity supposa que cette tente abritait un cirque ambulant, venu là pour la fête du 4 juillet. Mais en s'approchant, elle aperçut une grande enseigne portant ces mots « Tente de l'Évangile ». L'intérieur de la tente semblait vide. Mais un gros jeune homme en veston d'alpaga noir, ses cheveux plats bien peignés au-dessus de sa large face blanche, en souleva la portière et vint au-devant d'elle avec un sourire. « Ma sœur, votre divin sauveur sait tout. Ne voulez-vous pas rentrer et déposer à ses pieds le fardeau de vos péchés » demanda-t-il d'un ton onctueux, posant sa main grasse sur le bras de Charity. Elle se rejeta en arrière, toute rougissante. Pendant un moment, elle s'imagina que l'histoire de Nettleton était arrivée jusqu'à cet inconnu. Puis elle comprit l'absurdité de cette supposition. « Je voudrais bien en avoir à déposer, » répliqua-t-elle avec une ironie amère. L'évangéliste murmura, interloqué, « ma sœur, ne blasphémez pas !» Mais elle avait dégagé son bras et courait maintenant vers la route forestière, tremblant de peur de rencontrer un visage familier. Bientôt, elle fut hors de vue du village et continua à monter vers le centre de la forêt. Elle ne pouvait espérer faire dans l'après-midi les 25 kilomètres qui la séparaient de la montagne, mais elle connaissait, à mi-chemin de Hamblin, un endroit où elle pourrait dormir et où personne ne songerait à la chercher. C'était une petite habitation abandonnée sur une pente dans un des replis solitaires de la colline. Elle avait vu cette maison plusieurs années auparavant, un jour qu'elle y avait été avec une joyeuse bande chercher des noix dans la prairie voisine. La petite troupe, surprise par un orage, s'y était réfugiée. Il se souvenait que Ben Solas, qui aimait à faire peur aux jeunes filles, leur avait dit que l'endroit passait pour être hanté. Elle commençait à se sentir recrue de fatigue, car elle n'avait rien mangé depuis le matin et n'était pas habituée aux longues marches. La tête lui tournait. Elle s'assit un moment au bord de la route. Tout à coup, elle entendit le tintement d'un grelot de bicyclette et se releva brusquement pour se jeter sous bois. Mais la bicyclette tournait déjà dans le coin et Harney, sautant à terre, s'approcha d'elle, les bras tendus. « Charity, que faites-vous ici ?» Elle le regarda comme on regarde une apparition, si bouleversée par sa présence que les mots lui faisaient défaut. « Où alliez-vous ? Vous aviez donc oublié que je devais venir vous voir » continua-t-il d'une voix douce, essayant de l'attirer vers lui. Mais elle se dégagea de son étreinte. « Je m'en allais très loin. Je ne veux plus vous voir. Laissez-moi m'en aller » répéta-t-elle d'un air farouche. « C'est moi que vous fuyez, Charity ? C'est tout le monde. Je veux que vous me laissiez tranquille. » Harney examinait d'un air hésitant la route déserte qui se perdait dans des lointains baignés de soleil. « Où alliez-vous » répéta-t-il. « Chez moi. »« Chez vous. Comment ? Par ce chemin ?» Elle redressa la tête d'un air de défi. « Oui, chez les miens, là-haut, dans la montagne. » Tout en parlant, elle s'aperçut qu'un changement s'était opéré dans Harney. Il ne l'écoutait plus. Il la regardait avec cette même expression de passion concentrée qu'elle lui avait vue après leur baiser sur l'estrade à Nettleton. Il était subitement redevenu le nouveau Harney, le Harney qui s'était révélé dans cette brusque étreinte et qui semblait si pénétré de la joie de sa présence qu'il était complètement indifférent à ce qu'il pensait ou sentait. Il lui prit les mains en riant. « Devinez comment je vous ai trouvé ? » dit-il gaiement. Il tira de sa poche le petit paquet de ses lettres et l'agita devant les yeux déconcertés de la jeune fille. « Vous les avez laissées tomber, petite imprudente. » Le jeune homme qui surveille la tente de l'évangile les a ramassées au milieu de la route, juste au moment où je passais. Il s'était rejeté en arrière, tenant Charity au bout de ses bras tendus et scrutant son visage troublé avec le minutieux regard de ses yeux de myope. « Croyez-vous vraiment que vous pouviez me fuir ? Vous voyez bien que le destin avait décidé autrement, » dit-il. Et avant qu'elle eût pu répondre, il la reprit dans ses bras et l'embrassa tendrement, presque fraternellement, comme s'il avait deviné sa douleur confuse et les voulait qu'elle sût qu'il la comprenait. Il mêla ses doigts aux siens. « Venez, marchons un peu. J'ai besoin de vous parler. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Il parlait avec une gaieté d'adolescent, sur un ton confiant et léger, comme si rien n'était arrivé qui peut faire naître une contrainte entre eux. Et pendant un moment, dans le soulagement subit de se sentir délivré de son chagrin, Charity se laissait gagner par cette bonne humeur. Mais il s'était retourné et l'entraînait vers la route d'où elle venait. Elle se raidit et s'arrêta court. « Je ne veux pas retourner à North Dormore. » Ils se regardèrent un moment en silence, puis Harney répondit doucement. « Bien, nous irons où vous voudrez. » Elle restait, sans bouger, muette, les yeux baissés, et il continua. « N'y a-t-il pas, quelque part par ici, une petite maison abandonnée dont vous m'avez parlé ?» Comme elle ne répondait toujours pas, il reprit sur le même ton de tendre réconfort. « Allons-y, voulez-vous ? Nous pourrons nous y asseoir et causer tranquillement. » Il prit une de ses mains qu'elle laissait pendre à ses côtés et y posa ses lèvres. « Vous ne vous imaginez pas, je pense que je vais me laisser renvoyer. Croyez-vous donc que je ne comprenne rien ?» La vieille petite maison, dont les murs en bois étaient devenus d'un gris de cendre sous le soleil, était située dans un verger au-dessus de la route. La clôture du jardin s'était affaissée, mais la grille brisée tenait encore au montant. Un sentier envahi d'herbe conduisait vers la maison à travers des buissons de roses dont les petites fleurs pâles s'effeuillaient sur les herbes folles. De grêles pilastres surmontés d'une jolie imposte vitrée encadraient l'ouverture d'où la porte était tombée. Elle gisait sur l'herbe où elle pourrissait sous un vieux pommier tombé au travers de ses panneaux brisés. À l'intérieur, également, La pluie et le vent avaient revêtu les boiseries d'un ton argentin. La maison était aussi sèche et aussi nette que l'intérieur d'une coquille depuis longtemps vide. Mais elle avait dû être exceptionnellement bien bâtie car les petites chambres paraissaient presque habitables. Les cheminées en bois, aux ornements de style classique, étaient encore en place et aux angles d'un des plafonds des arabesques en stuc dessinaient leurs réseaux légers. Arne avait trouvé un vieux banc devant la porte de la cuisine et l'avait porté dans la maison. Charity s'y assit, la tête renversée contre le mur, dans un état de lassitude endolorie. Devinant qu'elle avait faim et soif, il avait apporté quelques tablettes de chocolat prises dans son sac de cycliste et rempli pour elle sa petite timbale à une source dans le verger. Puis il vint s'asseoir à ses pieds, alluma une cigarette et la considéra sans parler. Au dehors, les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur l'herbe et par la fenêtre vide de carreaux qui lui faisait face, Charity vit la montagne profiler sa masse sombre contre un coucher de soleil aux lueurs cuivrées. Il était temps de partir. Elle se leva. Arne en fit autant. Il passa son bras sous celui de la jeune fille avec un air d'autorité. « Maintenant, Charity, vous allez rentrer un autre dormeur avec moi. » Elle regarda tristement et secoua la tête. « Je ne retournerai jamais à North Dormer, vous ne savez pas. »« Qu'est-ce que je ne sais pas ?» Elle se tut et il poursuivit. « Ce qui est arrivé hier sur le quai était affreux, abominable. Il est naturel que vous en soyez toutes retournées. Mais de telles choses ne sauraient vous atteindre. Vous devez essayer d'oublier. Vous devez essayer de comprendre que les hommes, quelquefois... Je les connais, les hommes, c'est pour cela. » Il rougit vivement, comme si elle avait touché un endroit secret de sa conscience. « Eh bien alors, vous devez savoir qu'il faut être indulgente. Votre tuteur avait bu. Je sais tout cela. Ce n'est pas la première fois que je l'ai vu dans cet état. Mais il n'aurait pas osé me dire ce qu'il m'a dit s'il n'avait pas... S'il n'avait pas... Que voulez-vous dire? Continuez. S'il n'avait pas déjà cherché à faire de moi ce qu'on a fait de ses filles... » Elle baissa la voix et détourna les yeux. Comme cela, il n'aurait pas eu à chercher hors de chez lui. Arne la regardait fixement. Pendant un moment, il parut ne pas comprendre ce qu'elle voulait dire. Puis son visage s'assombrit. « Ah, la brute! L'ignoble brute !» Sa colère déborda, son visage s'empourpra. « Jamais je ne l'aurais cru. C'est trop infâme » bégaya-t-il, comme s'il refusait d'envisager ce qu'elle venait de lui révéler. « Je ne mettrai plus jamais les pieds chez lui, » répétait-elle immobile. « Non, » approuva-t-il. Il eut un long silence, pendant lequel elle s'imagina qu'il épiait son visage, afin de deviner ce qu'elle pouvait lui avoir caché, et la rougeur de la honte l'envahit. « Je sais ce que vous pensez de moi, » s'écria-t-elle, « maintenant que je vous avouais ces choses. » Mais une fois de plus, comme elle parlait, elle s'aperçut qu'il ne l'écoutait plus. Il s'approcha d'elle et la saisit comme s'il voulait l'arracher à un péril imminent. Ses yeux ardents plongeaient dans ceux de Charity. Il sentit contre elle les battements précipités de son cœur. « Embrassez-moi encore, comme hier soir, » dit-il. Et il lui renversa la tête comme pour aspirer son visage dans un baiser.